Activité 38. 1. David, c'est quand ton anniversaire? Mon anniversaire, c'est le 13 février. C'est bientôt! Tu vas avoir quel âge? Je suis né en 1990, donc je vais avoir 26 ans. 2. Et toi, Margot, c'est quoi ta date de naissance? Je suis né le 5 juillet 1988. Super! Donc, tu as 28 ans. Oui, c'est ça. 3. Salut Emma. Je prépare une fête pour ton anniversaire, le 8 mars. Mais non! Je suis née le 18 mars. Oh! Le 18 mars, je ne suis pas disponible. C'est possible de faire la fête le 19 mars? D'accord. Attention, je vais avoir seulement 17 ans. Je suis née en 1999, pas en 2000 comme toi. 4. Salut Victor. Pour le cours de français, je dois présenter un ami. Est-ce que tu peux me parler de toi? D'accord. Quelles informations est-ce que tu veux? Je veux ta date de naissance, des informations sur ta famille, tes activités, ce que tu veux. Alors, je suis né le 21 octobre 2002, donc j'ai 14 ans. Ma mère s'appelle Catherine, elle a 34 ans.